Now here are the other new words and phrases. Comme d'habitude? C'est ça. Voici le premier mot. Un stylo. A pen. Un stylo. Je veux. I want. Je veux. Écrire. To write. Écrire. Du papier. Some paper. Du papier. Le boulevard. Boulevard or avenue. Le boulevard. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Écoutez l'anglais, puis dites le français. Après, écoutez la bonne réponse et répétez-la. To write. Écrire. I want. Je veux. A pen. Un stylo. The boulevard or avenue. Le boulevard. Some paper. Du papier.